Vous écoutez France Culture. Short stories and poems. Nouvelles et poèmes. By Raymond Carver. De Raymond Carver. Il se passe quelque chose. Something is happening. Il se passe quelque chose en moi. Si mes sens ne me trompent pas cette fois, il ne s'agira pas d'une simple aberration passagère. Je suis toujours prisonnier de la même vieille peau. Les idées pures, les grandes aspirations, la bite propre et saine, coûte que coûte. Mais mes pieds se sont mis à me dire des choses sur eux-mêmes. Et les rapports nouveaux qu'ils entretiennent avec mes mains, mon cœur, mes cheveux et mes yeux. Il se passe quelque chose en moi. Je voudrais pouvoir te demander si tu as jamais éprouvé ce genre de sensation. Mais ce soir, tu es tellement loin de moi que tu ne m'entendrais pas, je crois. Et puis ma voix aussi en a pris un vieux coup. Il se passe quelque chose en moi. Il ne faudra pas t'étonner si un matin, en t'éveillant dans ce grand soleil de midi, tu t'aperçois qu'à ma place, il y a une femme, ou pire encore, un inconnu aux cheveux blancs qui écrit un poème et qui, ne sachant plus comment articuler des mots, remue simplement les lèvres pour essayer de te dire quelque chose. Conservation. Le mari de Sandy restait sur le canapé depuis qu'il avait été viré. 3 mois plus tôt, il était rentré, pâle et nerveux, avec toutes ses affaires de travail dans une boîte. « Joyeuse Saint-Valentin » dit-il à Sandy en posant sur la table de la cuisine une boîte de chocolat en forme de cœur et une bouteille de Jim Beam. Il ôta sa casquette et la mit aussi sur la table. « Je me suis fait virer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu crois qu'on va devenir maintenant ?» Sandy et son mari s'assirent à la table, burent le whisky et mangèrent les chocolats. Ils parlèrent de ce que lui pourrait faire au lieu de poser des toits sur des maisons neuves, mais ils ne trouvèrent rien. « Il se présentera bien quelque chose, » dit Sandy. Elle voulait l'encourager, mais elle avait peur, elle aussi. Finalement, il dit qu'il allait dormir là-dessus. Et c'était bien ce qu'il avait fait. Le soir, il coucha sur le canapé, et depuis, il y dormait toujours. Le lendemain de son renvoi, il fallut s'occuper de l'allocation de chômage. Il alla en ville remplir les papiers et chercher un autre boulot, mais il n'y avait pas de travail dans sa partie, ni dans une autre d'ailleurs. Il transpira lorsqu'il essaya de décrire à Sandy la foule qui grouillait au bureau du chômage. Le soir, il regagna son canapé. Il se mit à y passer tout son temps. Comme si, pensait-elle, c'était pour lui une obligation, maintenant qu'il n'avait plus d'emploi. De temps en temps, il allait voir quelqu'un pour discuter d'un boulot, et tous les 15 jours, il pointait pour toucher son allocation. Le reste du temps, il ne bougeait pas de son canapé. « On dirait qu'il y habite », pensait Sandy. « Il habite dans le séjour. » De temps en temps, il feuilletait les magazines qu'elle rapportait du supermarché. Et de loin en loin, elle le trouvait en train de regarder le gros livre qu'on lui avait donné en prime à son inscription dans un club de livres, « Les mystères du passé ». Il tenait le livre devant lui, à deux mains, la tête penchée sur les pages, comme aimanté par ce qu'il lisait. Au bout d'un moment, elle remarqua qu'il n'avançait pas. Il semblait toujours en être au même passage, quelque part dans le 2e chapitre, au jugé. Une fois, Sandy prit le livre et l'ouvrit à l'endroit marqué. Elle lut l'histoire d'un homme découvert après avoir passé 2000 ans dans une tourbière en Hollande. Il y avait une photo. L'homme avait le front ridé, mais une expression sereine sur le visage, Il portait un bonnet de cuir et était couché sur le flanc. Ses mains et ses pieds s'étaient ratatinés, mais à part ça, il n'était pas trop horrible. Elle lut quelques pages, puis remit le signet où elle l'avait trouvé. Son mari le gardait à portée de la main sur la table basse devant le canapé. Saleté de canapé. Maintenant, elle n'avait même plus envie de s'y asseoir. Elle n'arrivait pas à imaginer qu'autrefois il s'y était couché pour faire l'amour. On livrait le journal à la maison tous les jours. Il le lisait de la première à la dernière page. Elle le voyait lire absolument tout, y compris les annonces nécrologiques, l'article météo donnant la température de toutes les villes et les nouvelles des affaires qui annonçaient les fusions d'entreprises et les taux d'intérêt. Le matin, il se levait avant elle et allait à la salle de bain. Puis il allumait la télé et faisait le café. À cette heure-là, il avait l'air en forme et joyeux, pensait-elle. Mais le temps qu'elle parte à son travail, il avait repris sa place sur le canapé et la télé marchait. La plupart du temps, elle marchait encore à son retour l'après-midi. Il était assis sur le canapé ou couché, habillé comme lorsqu'il allait travailler, blue jeans et chemise de finette. Des fois, la télé était arrêtée et il était assis, son livre dans les mains. « Comment ça va ?» disait-il quand elle entrait dans le séjour. « Ça va et toi ?»« Ça va. » Il avait toujours une cafetière au chaud pour elle. Elle s'asseyait dans le fauteuil du séjour, lui sur le canapé, et elle racontait sa journée. Ils tenaient leurs tasses et buvaient leur café comme s'ils étaient des gens normaux, pensait Sandy. Sandy l'aimait encore, pourtant elle savait que la situation devenait bizarre. Elle était contente d'avoir un emploi, mais elle ne savait pas ce qui allait leur arriver, à eux ni à personne au monde. À son travail, elle avait une amie à qui elle avait fait un jour des confidences sur son mari, qu'il restait toujours sur le canapé. Son amie n'avait pas eu l'air de trouver ça bizarre, ce qui l'avait à la fois étonnée et déprimée. Elle lui avait parlé d'un oncle à elle qui vivait dans le Tennessee. Le jour de ses 40 ans, il s'était mis au lit et n'en était plus sorti depuis. Et il pleurait, beaucoup, au moins une fois par jour. Elle se disait qu'il avait peut-être peur de vieillir ou peur d'avoir une crise cardiaque ou autre chose. Il avait 63 ans maintenant et il était toujours là. Sandy en fut stupéfaite. Si cette femme disait vrai, pensa-t-elle, cet homme était au lit depuis 23 ans. Le mari de Sandy n'avait que 31 ans. 31 et 23, ça fait 54, ce qui l'amenait aux environs de 50 ans elle aussi. Mon Dieu, un homme ne peut quand même pas passer le restant de ses jours au lit ou sur un canapé. Si son mari était blessé ou malade ou s'il avait eu un accident de voiture, ce serait différent, elle comprendrait. Dans un cas pareil, elle savait qu'elle aurait pu le supporter. S'il était obligé de vivre sur le canapé, si même elle était obligée de lui apporter à manger, peut-être de le nourrir à la cuillère, ça aurait même un petit côté romanesque, ce genre de situation. Mais que son mari, jeune et en pleine santé, se couche sur un canapé et n'en bouge plus, sauf pour aller aux toilettes, allumer la télé le matin et l'éteindre le soir, c'était autre chose. Ça lui faisait honte. Et à part cette fois-là, elle n'en parla plus jamais à personne. Un jour, en fin d'après-midi, elle rentra de son travail, gara la voiture et entra dans la maison. Se glissant par la porte de la cuisine, elle entendit la télé marcher dans le séjour. La cafetière était sur la gazinière, à tout petit feu. D'où elle se tenait, dans la cuisine, son sac à la main, elle apercevait une partie du séjour et voyait le dos du canapé et l'écran de la télé. Des personnages s'agitaient sur l'écran. Les pieds nus de son mari dépassaient à un bout du canapé. À l'autre bout, sur un oreiller posé sur le bras du canapé, elle voyait dépasser le haut de sa tête. Il ne bougea pas. Peut-être qu'il dormait, ou peut-être pas. Elle posa son sac sur la table et alla au réfrigérateur se prendre un yaourt. Mais, quand elle ouvrit la porte, une bouffée d'air tiède et renfermé la frappa au visage. Quel gâchis à l'intérieur! La glace du compartiment congélateur avait fondu et coulé sur des restes de poisson et de céleri rémoulade. Elle était tombée dans le bol de riz et formait une petite mare dans le bas du réfrigérateur. Il y avait de la glace partout. Elle ouvrit la porte du compartiment congélateur. Il s'en échappa une odeur épouvantable qui lui donna envie de vomir. C'est alors qu'elle cria pour appeler son mari. « Qu'est-ce qu'il y a ? » dit-il en s'asseyant et regardant par-dessus le dos du canapé. « Dis donc, qu'est-ce qu'il y a ? » Il se passa deux fois la main dans les cheveux. Elle ne savait pas s'il dormait à son arrivée ou quoi. « Cette saleté de frigo est foutue, voilà ce qu'il y a !» Son mari se leva et posa son livre sur la télé. Puis il éteignit l'appareil et vint à la cuisine. « Fais voir. Nom d'un chien, c'est pas vrai. Regarde toi-même, tout va se gâter !» Il regarda à l'intérieur du réfrigérateur et son visage prit une expression très grave. Puis il jeta un coup d'œil dans le compartiment congélateur et constata les dégâts. « Qu'est-ce qu'on va faire ? » dit-il. Des tas d'idées lui passèrent soudain par la tête, mais elle ne dit rien. « Nom de Dieu ! Quand la poisse commence, ça n'arrête plus. Dis donc, il ne peut pas avoir plus de 10 ans, ce frigo. Il était presque neuf quand on l'a acheté. Mes vieux avaient un frigo qui leur a duré 25 ans. Ils l'ont donné à mon frère quand il s'est marié. Il marchait très bien. Alors qu'est-ce qui se passe ?» Il se plaça de façon à pouvoir regarder dans l'étroit espace entre le mur et le réfrigérateur. « J'y comprends rien, » dit-il en secouant la tête. « Il est branché. » Puis, il saisit l'appareil et se mit à le secouer d'avant en arrière. Après, il le prit à bras-le-corps, tira, poussa et le sortit de quelques pouces de sa niche. À l'intérieur, quelque chose tomba d'une étagère et se cassa. « Merde !» Sandy réalisa qu'elle tenait toujours son yaourt. Elle alla à la poubelle, souleva le couvercle et le jeta. « Il faut que je fasse tout cuire ce soir, » dit-elle. Elle se vit, devant le feu, en train de faire cuire tout ça dans des poêles et au four. « Il nous faut un nouveau frigo, » dit-elle. Il ne répondit pas. Il regarda encore une fois dans le compartiment congélateur, puis tourna la tête à droite et à gauche. Elle passa devant lui, et se mit à sortir les provisions et à les poser au fur et à mesure sur la table. Il l'aida, il sortit tout, puis il prit les torchons à papier, la lavette à vaisselle, et se mit à essuyer l'intérieur. « On a perdu notre fréon, » dit-il en s'arrêtant d'essuyer. « Voilà ce qui s'est passé, je le sens. Il y a eu une fuite de fréon, il s'est passé quelque chose et le fréon s'est échappé. J'ai déjà vu ça chez des gens une fois. » Il était calme maintenant. Il se remit à essuyer. « C'est le fréon, » répéta-t-il. Elle arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Il nous faut un autre frigo, » dit-elle. « Facile à dire. Et où on va en trouver un ? Ça pousse pas sur les arbres. Il nous en faut un. Tu trouves pas qu'il nous faut un frigo ? Peut-être que non. Peut-être qu'on peut mettre les denrées périssables sur le bord de la fenêtre, comme ils font dans les grands ensembles. Ou alors on peut acheter une petite glacière de camping et aller chercher de la glace tous les jours. » Elle posa une laitue et quelques tomates sur la table, à côté des paquets de viande. Puis elle s'assit et porta ses mains à son visage. « On va se trouver un nouveau frigo, » dit son mari. « Oui, merde, il nous en faut un, non ? On peut pas s'en passer, mais... » Où on peut en trouver un et combien on peut y mettre, voilà la question. Il doit y en avoir des millions d'occasions dans les petites annonces. Attends, on va regarder ce qu'il y a dans le journal. Je m'y connais en petites annonces, moi. Elle baissa les mains et le regarda. « Sandy, on va trouver une bonne occasion dans le journal, » reprit-il. « Les frigos y sont faits pour durer toute une vie. Le nôtre, merde, je sais pas ce qui s'est passé. C'est seulement le deuxième de ma vie que je vois claquer comme ça, » dit-il, ramenant son regard sur le réfrigérateur. « Quelle déveine !»« Apporte le journal ici, » dit-elle. « On va voir ce qu'il y a. »« T'en fais pas. » Il alla à la table basse, feuilleta le paquet de journaux et revint avec les pages des petites annonces. Elle poussa ses provisions d'un côté pour pouvoir les étaler sur la table. Il s'assit. Elle regarda le journal, puis ses provisions décongelées. « Il faut que je fasse cuire les côtes de porc ce soir, » dit-elle, « et les hamburgers, et aussi les steaks et les croquettes de poisson. Et il faut pas que j'oublie les dîners chinois. » « Saloperie de fréon, » dit-il, « ça pue partout. » Ils se mirent à lire les petites annonces. Ils suivaient une colonne du doigt, puis une autre. Il passa rapidement sur la section « offres d'emploi ». Elle vit des croix à côté d'une ou deux offres, mais elle ne regarda pas ce qu'il avait marqué, ça n'avait pas d'importance. Il y avait une colonne intitulée « Matériel de camping ». Puis ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. « Électroménager neuf et d'occasion. »« Là !» dit-elle, posant le doigt sur le journal. Il poussa le doigt de Sandy. « Voyons !» dit-il. Elle remit le doigt à la même place. Réfrigérateur, cuisinière, lave-linge, séchoir, etc. dit-elle, lisant les sous-titres de la colonne. Vente aux enchères. Qu'est-ce que c'est que ça, une vente ? Elle continua à lire. Électroménager à la pelle, neuf et d'occasion tous les jeudis soirs, enchères à 7 heures. C'est aujourd'hui, dit-elle. Cette vente, c'est aujourd'hui, c'est dans Pine Street. J'ai dû passer devant des centaines de fois, toi aussi. Tu sais où c'est, à côté de Baskin-Robbins. Son mari ne dit rien. Il regardait fixement l'annonce. Il leva une main et se tirailla la lèvre inférieure avec 2 doigts. « Vente aux enchères ?» dit-il. Elle fixa sur lui son regard. « Allons-y, qu'est-ce que tu en dis ? Ça te fera du bien de sortir, et on verra ce qu'on peut trouver, d'une pierre 2 coups, » dit-elle. « Je suis jamais allé à une vente de ma vie et j'ai pas l'impression d'avoir envie de commencer. » « Viens donc, qu'est-ce que tu as ?»« C'est marrant, ça fait des années que j'ai pas été à une vente. Pas depuis que j'étais gosse, j'y allais avec mon père. » Tout d'un coup, elle avait très envie d'aller à cette vente. « Ton père ?»« Ouais, mon père. » Elle regarda son mari, attendant qu'il dise quelque chose, c'était bien le moins, mais il ne dit rien. « Les ventes, c'est marrant, » dit-elle. « Je te crois, mais j'ai pas envie d'y aller. » « Et j'ai aussi besoin d'une lampe de chevet, ils en auront sûrement. » « Dis donc, on a besoin de plein de choses, mais j'ai pas de boulot, oublie pas. »« Moi, je vais aller à cette vente. Tu viendras ou pas, comme tu voudras. Tu ferais aussi bien de venir, mais ça m'est égal. Si tu veux savoir, je m'en tape, mais moi, j'y vais. »« J'irai avec toi. Qui a dit que je n'irai pas ?» Il la regarda, puis détourna les yeux. Il prit le journal et relut l'annonce. « J'y connais rien, moi, aux ventes. Mais il faut tout essayer une fois. Qui a dit qu'on allait acheter un frigo dans une vente ?» « Personne, mais on en achètera un quand même. »« D'accord. »« Bon, mais seulement si tu en as vraiment envie. » Il hocha la tête. « Il vaut mieux que je mette à faire cuire tout ça, » dit-elle. « Je vais faire les côtes de porc tout de suite et on mangera. Le reste peut attendre. Je ferai cuire le reste plus tard, en rentrant de la vente. Mais il faut nous remuer, le journal dit que c'est à 7 heures. »« 7 heures, » répéta-t-il. Il se leva et retourna au séjour, où il regarda par la fenêtre 1 minute. Une voiture passa dans la rue. Il porta les doigts à sa lèvre. Elle le regarda s'asseoir sur le canapé et prendre son livre. Il l'ouvrit à l'endroit habituel. Mais 1 minute plus tard, il le reposa et s'allongea. Elle vit sa tête glisser sur l'oreiller, posée sur le bras du canapé. Il l'arrangea sous sa tête et croisa ses mains derrière la nuque. Puis, il ne bougea plus. Peu après, elle le vit mettre les bras le long du corps. Elle plia le journal. Elle se leva et passa en silence dans le séjour. Il avait fermé les yeux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à peine. Elle retourna à la cuisine et mit une poêle sur le feu. Elle alluma le brûleur et versa de l'huile dans la poêle. Elle se mit à faire frire des côtes de porc. Elle était allée à des ventes avec son père. Des ventes d'animaux de ferme pour la plupart. Elle avait l'impression que son père était tout le temps en train d'essayer de vendre un veau ou alors d'en acheter un. Des fois, il vendait du matériel agricole et de l'électroménager dans ses ventes, mais c'était surtout du bétail. Puis, quand son père et sa mère avaient divorcé et qu'elle était allée vivre avec sa mère, son père lui avait écrit pour lui dire que ça lui manquait de ne plus faire les ventes avec elle. Dans la dernière lettre qu'il lui avait écrite, alors qu'elle était adulte et mariée, il racontait qu'il avait acheté un bijou de voiture dans une vente pour 200 $. Si elle avait été là, disait-il, il lui en aurait aussi acheté une. 3 semaines plus tard, au milieu de la nuit, un coup de fil lui avait appris qu'il était mort. La fameuse voiture avait des fuites d'oxyde de carbone qui passaient par les fentes du plancher et il s'était évanoui au volant. Il habitait la campagne, le moteur avait continué à tourner tant qu'il y avait eu de l'essence. Il était resté dans la voiture plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on le découvre. Dans la poêle, l'huile commençait à fumer. Elle en reversa un peu et brancha le ventilateur. Ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas allée à une vente. Et maintenant, elle s'apprêtait à y aller le soir même. Tout d'un coup, son père lui manqua. Même sa mère lui manqua. Et pourtant, elle se disputait tout le temps avant qu'elle rencontre son mari et se mette en ménage avec lui. Debout devant le feu, elle retournait sa viande et son père et sa mère lui manquaient. Toujours avec cette impression qu'il lui manquait, elle prit un torchon et ôta la poêle du feu. Au-dessus de la gazinière, la bouche d'aération aspirait la fumée. Elle se planta sur le seuil et regarda dans le séjour. La poêle fumait encore, et des gouttelettes d'huile sautaient par-dessus bord. Dans la pièce assombrie par le crépuscule, elle ne distinguait que la tête de son mari et ses pieds nus. « Viens, » dit-elle, « c'est prêt. »« J'arrive, » dit-il. Elle vit sa tête se soulever au bout du canapé. Elle reposa la poêle sur la gazinière et se tourna vers le buffet. Elle y prit deux assiettes qu'elle posa sur le comptoir. Elle souleva une côte de porc avec une spatule et la mit dans une assiette. La viande ne ressemblait pas à de la viande. Ça ressemblait à une vieille omoplate ou à un outil pour creuser, mais elle savait que c'était une côte de porc. Elle sortit aussi l'autre de la poêle et la mit dans une assiette. Une minute plus tard, son mari entra dans la cuisine. Il regarda le réfrigérateur une fois de plus, vide et la porte ouverte. Sa mâchoire s'affaissa, mais il se tut. Elle mit le sel et le poivre sur la table. « Assieds-toi, » dit-elle en lui donnant une assiette dans laquelle gisaient les restes d'une côte de porc. « Il faut que tu manges ça. » Il prit l'assiette, mais il resta debout à la regarder. Alors elle se retourna pour prendre son assiette à elle. Sandy enleva le journal et poussa ses provisions à l'autre bout de la table. « Assieds-toi, » répéta-t-elle à son mari. Il fit passer son assiette d'une main dans l'autre, mais il resta debout. C'est alors qu'elle vit les petites mares d'eau sur la table. Elle entendit l'eau aussi. Elle dégouttait de la table sur le lino. Elle baissa les yeux sur les pieds nus de son mari. Elle fixa ses pieds à côté d'une flaque d'eau. Elle savait que de sa vie, elle ne reverrait rien d'aussi bizarre, mais elle ne savait pas quoi faire. Elle se dit qu'elle ferait mieux de se mettre du rouge à lèvres, de prendre son manteau et d'aller à la vente. Mais elle n'arrivait pas à détacher les yeux des pieds nus de son mari. Elle posa son assiette sur la table et les regarda. Jusqu'à ce que les pieds quittent la cuisine et retournent dans le séjour. Something is happening. Something is happening to me. If I can believe my senses, this is not just another distraction, dear. I am tied up still in the same old skin. The pure ideas and ambitions, yearnings, the clean and healthy cock at all costs. But my feet are beginning to tell me things about themselves. About their new relationship to my hands, heart, hair and eyes. Something is happening to me. If I could, I would ask you, have you ever felt anything similar? But you are already so far away. Tonight I do not think you would hear. Besides, my voice has also been affected. Something is happening to me. Do not be surprised if waking someday, soon, in this bright Mediterranean sun, you look across at me and discover a woman in my place. Or worse, a strange white-haired man writing a poem. One who can no longer form words, who is simply moving his lips, trying to tell you something. Conservation, lu par Nicolas Racca. Poème, lu par Lucie Harrison et Geoffrey Carré. Musique, Luc Arteno. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Laurion Lancret, Marie Dupuis, Jean-Mathieu Zande. Conservation, traduit par Simone Hilling, édition Mazarine. Poème, traduit par François Lasquin, édition de l'Olivier. À demain pour une autre nouvelle de Raymond Carver.